vers la compagnie suprême. Les signes annonciateurs de l'adieu. Après le parachèvement de la prédication islamique et l'avènement de la religion nouvelle, certains signes annonçant la mort imminente du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, commencèrent à se faire jour à la fois dans ses paroles et dans ses actes. Au mois de Ramadan de la 10e année de l'Hégire, il effectua une retraite longue de 20 jours alors qu'il avait coutume de ne se retirer dans la mosquée que pendant 10 jours les années précédentes. L'archange Gabriel, Djibril, écouta deux fois sa récitation complète du Coran pendant ce même mois alors qu'habituellement le prophète, alayhi salatu wassalam, ne le récitait qu'une seule fois. Il déclara lui-même que l'heure de sa mort était peut-être proche, et ce lors du pèlerinage d'adieu. « Suivez mon modèle quant à l'accomplissement des rites du pèlerinage, car il se peut que ce soit mon dernier pèlerinage. » La sourate 110 lui fut révélée au milieu des jours d'Atashriq, et il prit alors conscience que sa vie sur terre allait vers son terme et que cette sourate annonçait sa mort prochaine. Au cours des premiers jours du mois de Safar de la 11e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à Uhud où il effectua une prière d'adieu à l'attention des martyrs. Il monta ensuite sur le mimbar et s'adressa aux gens dans les termes suivants. « Je vous devance dans l'au-delà et je serai témoin de vos actes. Par Allah, je vois en ce moment même mon bassin. Les clés des trésors de la terre m'ont été données. Par Allah, je ne crains pas pour vous que vous redeveniez polythéiste après moi, mais que vous rivalisiez au sujet des richesses de ce monde. » Au cours de cette nuit, il se rendit au cimetière d'Al-Baqir et implora le pardon d'Allah en faveur des habitants des tombeaux. Il dit « Que la paix soit sur vous, habitants des tombes. Réjouissez-vous de votre état, car il est meilleur que celui des hommes qui vivent aujourd'hui. Des épreuves aussi sombres que la nuit enténébrée déferlent l'une après l'autre, chacune étant plus mauvaise que la précédente. » Il les réconforta en disant « Nous vous suivrons. » Le début de la maladie. Le lundi 29 du mois de Safar de la 11e année de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam assista à un enterrement à Al-Baqir. En s'en retournant chez lui, il fut pris d'un mal de tête et sa température monta tellement que son turban devint chaud. Il continua à conduire la prière en commun pendant 11 jours, bien qu'il fût affecté par sa maladie. Il resta malade durant 13 ou 14 jours. La dernière semaine. Alors que son état empirait, il demanda à ses épouses « Chez laquelle d'entre vous irai-je demain? Où irai-je demain ?» Elles comprirent ce qu'il voulait. Elles lui permirent alors d'aller dans la demeure de son choix. Ainsi, il se dirigea vers la chambre de Aïcha en prenant appui sur Al-Fadl ibn al-Abbas et Ali ibn Abi Talib. La tête bandée, il avança péniblement jusque chez elle. Ce fut là qu'il passa la dernière semaine de sa vie. Durant cette période, Aïcha lui récitait Al-Mu'awwidhat, c'est-à-dire les sourates 113 et 114 du Coran, ainsi que d'autres invocations qu'il lui avait apprises. Elle soufflait ensuite sur les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de les passer sur le corps de celui-ci dans l'espoir que la bénédiction qui s'en dégageait le touche. 5 jours avant la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. 5 jours avant sa mort, sa température devint si élevée que cela révéla la gravité de sa maladie. Il s'évanouit et éprouva une vive douleur. « Versez sur moi 7 outres d'eau contenant de l'eau provenant de différents puits afin que je puisse aller à la rencontre des gens et leur parler, » dit-il. Il fut alors porté et assis dans une bassine habituellement utilisée pour la lessive et l'on versa de l'eau sur lui jusqu'à ce qu'il s'exclama « C'est assez, c'est assez. » Il se sentit alors suffisamment bien pour entrer dans la mosquée. Il avait la tête bandée. Il s'assit sur le mimbar et prononça un sermon à l'attention des musulmans rassemblés autour de lui. « Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, car ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. » Dans une autre version, il a dit « Qu'Allah combatte les juifs et les chrétiens, ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. » Il ajouta « Ne commettez pas des actes d'idolâtrie sur ma tombe. » Puis il se déclara disposé à réparer d'éventuelles injustices qu'il aurait commises à l'égard d'autrui. Il dit « Si j'ai frappé quelqu'un d'entre vous, qu'il vienne me frapper. Si j'ai offensé quelqu'un d'entre vous, qu'il m'en fasse autant. » Puis il descendit et conduisit la prière de Dhuhr. Il retourna ensuite sur le mimbar. Il reprit son discours précédent en parlant de l'inimitié et d'autres sujets encore. Un homme dit alors « Tu me dois 3 dirhams. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Al-Fadl, donne-lui son argent. » Il continua. « je vous exhorte à vous montrer bienveillant envers les Ansar. Ils sont mes entrailles et mes confidents. Ils se sont largement acquittés de leurs devoirs et il leur reste à en recevoir le salaire. Faites bon accueil à celui d'entre eux qui fait le bien et épargnez celui qui fait le mal. » Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le nombre des croyants augmentera, tandis que celui des Ansar diminuera au point qu'ils constitueront une petite minorité. Que celui d'entre vous qui occupe un poste à responsabilité et qui est assez puissant pour faire du bien ou infliger du mal aux gens, fasse bon accueil à qui d'entre les Ansar fera du bien et qu'il épargne celui d'entre eux qui commettrait de mauvaises actions. Allah le Sublime a offert à l'un de ses serviteurs la possibilité de choisir entre les biens de ce monde et ce qui est auprès de lui, et il a choisi ce qui est auprès d'Allah. » Il parlait en fait de lui-même. Abu Saïd al-Khudri a dit, en entendant ces paroles, Abu Bakr gémit et dit « Nous sacrifierons nos pères et mères pour toi. » Nous nous sommes alors demandé pourquoi Abu Bakr avait dit une telle chose. Les gens dirent « Regardez ce vieil homme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parlait d'un serviteur d'Allah qui s'était vu offrir le choix entre les trésors de ce monde et ce qui est auprès de lui, et lui il dit « Nous sacrifierons nos pères et mères pour toi. » Ce ne fut que plus tard que nous avons compris ce qu'il voulait dire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le serviteur en question. Nous avons alors pris conscience qu'Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Le compagnon qui me fut le plus bienfaisant de par sa compagnie et ses biens est Abu Bakr. Si je devais avoir un ami intime en dehors d'Allah, ce serait Abu Bakr, mais les sentiments de fraternité et d'affection islamique sont préférables. Qu'aucune porte donnant sur cette mosquée ne reste ouverte, excepté celle de la famille d'Abu Bakr. » C'est-à-dire, condamner les portes des autres appartements donnant sur la mosquée. 4 jours avant sa mort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'adressa aux gens 4 jours avant sa mort, bien qu'il souffrait d'une douleur aiguë. « Qu'on apporte de quoi écrire afin que je vous précise par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi. » Omar dit « La douleur domine le prophète, alayhi salatu wassalam. Nous avons en notre possession le livre d'Allah et cela nous suffit. » Les avis à ce moment furent partagés et la discussion devint bruyante. « Retirez-vous, laissez-moi. » reprit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui était incommodé par cette querelle. Ne laissez aucun juif, chrétien ou polythéiste habiter dans la péninsule arabique. Honorez et accueillir dignement les délégations, de la même façon que lui le faisait. Quant à la troisième, le narrateur a dit qu'il l'avait oubliée. Elle concernait soit l'attachement au livre et à la sunna, soit le départ de l'armée d'Usama, soit encore l'accomplissement des prières et la bienveillance envers les esclaves. En dépit de sa douleur lancinante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conduisit toutes les prières en commun jusqu'au jeudi 8 du mois de Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire 4 jours avant son décès. Lors de la prière du Maghrib, ultime prière en commun qu'il conduisit, il récita la sourate 77, al-Mursalat, les envoyés. Lors de la prière du Isha arrivée, il ne put sortir pour se rendre à la mosquée. Aïcha a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Est-ce que les gens ont prié ?»« Non, pas encore, ils t'attendent. » Il put donc faire ses ablutions et il voulut se lever, mais il s'évanouit. Quand il reprit connaissance, il demanda de nouveau « Les gens ont-ils effectué la prière ?» Puis la même chose se répéta par 2 fois. C'est alors qu'il désigna Abu Bakr pour conduire la prière en commun à sa place et ce dernier conduisit également les autres prières en commun, c'est-à-dire 17 prières au total, jusqu'au décès de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. À 3 ou 4 reprises, Aïcha demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'exempter Abu Bakr de la direction de la prière en raison de sa forte sensibilité. Mais il refusa et dit « Vous agissez comme les femmes qui s'adressaient à Youssouf, Joseph. Allez dire à Abu Bakr de conduire la prière commune. » 1 jour ou 2 avant sa mort. Le samedi ou le dimanche suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentit suffisamment fort pour accomplir la prière dans la mosquée. Aussi, il sortit appuyé sur 2 hommes afin d'effectuer la prière de Dhuhr. Abu Bakr, dirigeant la prière en commun, voulut se retirer lorsqu'il le vit arriver. Mais le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam lui fit signe de rester à sa place et il dit à ceux qui l'aidaient à marcher « Faites-moi asseoir à côté de lui. » Ils l'assirent à gauche d'Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conduisit la prière et Abu Bakr le suivit, élevant la voix lors de chaque takbir à l'attention des gens. 1 jour avant sa mort. Le dimanche, la veille de son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam émancipa ses esclaves qui n'avaient pas encore été libérés. Il donna en aumône les 7 dinars qu'il possédait. Il offrit en cadeau aux musulmans ses armes, si bien que lorsque la nuit tomba, Aïcha dut emprunter de l'huile à sa voisine afin d'allumer sa lampe. Même sa cote de maille avait été donnée en gage à un juif contre 30 sars, c'est-à-dire 30 mesures d'orge. Le jour de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik a rapporté « Tandis que les musulmans accomplissaient la prière du Fajr de la journée de lundi, Abu Bakr faisant office d'imam, ils furent surpris de voir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, soulever le rideau de la chambre de Aïcha. Il les regarda tandis qu'ils priaient bien alignés et il sourit, plein de satisfaction. L'apercevant, Abu Bakr recula pour se fondre dans le premier rang et le laisser diriger la prière. Anas dit également « Les musulmans qui priaient furent si ravis qu'ils faillirent interrompre leur prière. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur fit signe de continuer leur prière et il rentra dans la chambre, laissant retomber le rideau. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne vécut pas jusqu'à l'heure de la prière suivante. Lorsqu'il fit jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, appela sa fille Fatima et il lui confia quelque chose à voix très basse qui la fit pleurer. Puis il lui chuchota à l'oreille d'autres paroles qui l'emplirent de joie. Aïcha lui demanda après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, la raison de ses pleurs suivie de son élan de joie. Ce à quoi Fatima répondit « Il me révéla tout d'abord qu'il succomberait à sa maladie et j'ai pleuré. Puis il m'a dit que j'allais être le premier membre de sa famille à le rejoindre, ce qui m'a comblé. » Il annonça de plus à Fatima la bonne nouvelle qu'elle serait au paradis la plus distinguée parmi toutes les femmes de l'humanité. Témoin de la grande douleur qui affectait son père, Fatima dit « Quelle est grande la souffrance de mon père !» À ces mots, le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Il n'y aura plus après ce jour-ci de souffrance pour ton père. » Il demanda qu'Al-Hassan et Al-Hussein lui soient amenés. Il les embrassa et souhaita qu'ils bénéficient de toutes les attentions. Il demanda à voir ses épouses et elles vinrent à son chevet. Il leur fit diverses recommandations et leur rappela Allah. La douleur ne cessa d'augmenter et le prophète, alayhi salatu wassalam, ressentit l'effet du poison qu'il avait ingurgité à Khaybar. Il dit à Aïcha « Je ressens encore la souffrance que m'a fait éprouver la nourriture que j'ai mangée à Khaybar. L'heure est venue où je dois périr sous l'effet de ce poison. » Il ordonna aux musulmans d'être scrupuleux dans l'accomplissement de leurs prières et de se montrer bienveillants envers les esclaves. Il répéta ses conseils plusieurs fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rend l'âme. Lorsque les affres de la mort se firent sentir, Aïcha l'appuya contre elle. Elle avait l'habitude de dire après son décès « Une des faveurs qu'Allah m'accorda, c'est d'avoir fait que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit mort chez moi le jour qu'il me consacrait, la tête entre ma poitrine et mon menton. De plus, Allah a mélangé sa salive à la mienne à l'instant de sa mort. » En effet, Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, entra dans la pièce avec un siwak à la main alors que j'étais en train d'appuyer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre moi. Le voyant regarder le siwak, j'ai deviné qu'il le désirait. « Voudrais-tu que je le prenne pour toi ?» Il acquiesça de la tête. Je l'ai alors pris et je le lui ai donné. Comme il était trop dur pour lui, je lui ai demandé « Voudrais-tu que je te le ramollisse ?» Une fois encore, il acquiesça. Je l'ai ramolli à l'aide de ma salive et il le passa sur ses dents. Dans une autre version, il est dit « Ainsi il se nettoya les dents aussi bien qu'il fut possible. » Il trempait sa main dans un petit seau d'eau se trouvant à sa portée et il passait sa main mouillée sur son visage en disant « Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, la mort a ses affres. » Dès qu'il eut fini d'utiliser son siwak, il leva sa main ou son index, regarda vers le plafond et bougea les lèvres. Aïcha l'entendit dire « Aux côtés de ceux comblés de ta grâce, ainsi qu'avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les bienfaisants. Ô mon Dieu, pardonne-moi. » Fais-moi miséricorde et fais-moi rejoindre la compagnie suprême. Ô mon Dieu, la compagnie suprême. » Il répéta cette dernière parole 3 fois. Il laissa alors tomber sa main et rejoignit la compagnie la plus élevée. Nous appartenons à Allah et auprès d'Allah nous retournerons pour notre séjour ultime. Cet événement se produisit en fin de matinée, le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal de la 11e année de l'Hégire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était alors âgé de 63 ans et 4 jours. Les compagnons sont préoccupés par la mort du prophète alayhi salatu wassalam. La terrible nouvelle de sa mort fut vite connue de tous les habitants de Médine. Un chagrin profond s'abattit sur toute la cité. Anas a dit « Je n'ai jamais connu de jour meilleur ou plus radieux que ce jour où le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est arrivé parmi nous. Et je n'ai jamais connu de jour plus sombre que celui de sa mort. » Lorsqu'il mourut, Fatima dit « Mon père a été rappelé vers Allah, son lieu de séjour ultime est le paradis Firdaus. Nous annonçons sa mort à Jibril. » L'attitude de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar fut si bouleversé qu'il faillit perdre la raison, et il s'adressa à la foule en ces termes. Certains hypocrites prétendent que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est mort, or il n'en est rien. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, s'en est allé auprès de son Seigneur de la même façon que l'a fait Moïse ibn Imran. Celui-ci s'était absenté 40 nuits durant, puis il revint auprès de son peuple alors que l'on avait dit qu'il était mort. Par Allah, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, reviendra et il coupera les membres de ceux qui le disent mort. L'attitude d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr vint à cheval d'As-Sahn, quartier périphérique de Médine où se trouvait sa maison, et se rendit à la mosquée. N'adressant la parole à personne, il pénétra dans la chambre de Aïcha et se dirigea directement là où reposait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était recouvert d'une pièce d'étoffe. Il découvrit son visage, il s'inclina, l'embrassa et pleura. Puis il dit « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. En vérité, Allah ne te fera pas mourir deux fois. La mort qui t'était prescrite t'a bien emporté. » Puis il sortit et trouva Omar qui parlait aux gens. Il dit « Oh Omar, assieds-toi. » Omar refusa. Les gens se séparèrent de Omar et vinrent vers Abu Bakr qui dit « Que ceux d'entre vous qui adoraient Muhammad sachent que Muhammad est mort. Quant à ceux qui adoraient Allah, qu'ils sachent qu'Allah est le vivant qui jamais ne mourra. Allah a dit « Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ?» Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Sourate 3, verset 144, selon le sens du verset. Ibn Abbas a dit « Par Allah, ce fut comme si les gens n'avaient jamais entendu ce verset avant qu'Abu Bakr ne l'eût récité. Tous les gens l'écoutèrent attentivement et se mirent à le réciter. » Ibn al-Musayyib a rapporté que Omar a dit « Par Allah, dès que j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset, je me suis écroulé sur le sol. Mes jambes n'étaient plus en mesure de me porter et je me suis effondré en l'entendant lire le verset. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai compris que le prophète, alayhi salatu wassalam, était bien mort. » La préparation du corps du prophète, alayhi salatu wassalam, pour l'enterrement. D'âpres débats ont vu de déterminer qui succéderait au prophète, alayhi salatu wassalam, dans la direction de la communauté des croyants, s'engagèrent avant même que l'enterrement n'ait eu lieu. Ces discussions animées s'élevèrent parmi les Ansar et les Muhajirun tous confondus près des demeures des Banu Sa'ida. À l'aube du jour suivant, un consensus fut finalement dégagé et Abu Bakr fut désigné comme calife. Pendant ce temps, la vénérable dépouille mortelle du prophète alayhi salatu wassalam était placée sur son lit, recouverte d'une étoffe. Le mardi, son corps fut lavé par-dessus ses vêtements par Al-Abbas, Ali, Al-Fadl et Qutham, les deux fils d'Al-Abbas, ainsi que par Shukran, l'affranchi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Participèrent également au lavage Usama ibn Zayd et Aus ibn Khouli. Al-Abbas, Al-Fadl et Qutham retournaient son corps, tandis qu'Usama et Shukran versaient de l'eau. Ali le lavait, Aus l'appuyant contre sa poitrine. Ils placèrent ensuite sa dépouille dans trois pièces d'étoffe blanche en coton en provenance du Yémen, ne comportant ni chemise ni turban. Puis une discussion s'éleva quant au lieu de l'enterrement. Abu Bakr intervint alors pour préciser « J'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire « Un prophète mort doit toujours être enterré à l'endroit même où il est décédé. » Par conséquent, Abu Talha souleva le lit sur lequel le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était mort et il creusa la tombe. Les musulmans entrèrent après cela dans la chambre du prophète alayhi salatu wassalam par groupe de 10 afin de prier sur lui. Les premiers à entrer furent les hommes de sa famille, puis vinrent les Muhajirun auxquels succédèrent les Ansar. Les femmes prièrent après les hommes, puis ce fut le tour des jeunes. Tout ceci occupa la journée de mardi et la nuit du mardi au mercredi. Aïcha a dit « Nous ne sûmes que l'on enterrait le prophète alayhi salatu wassalam que lorsque nous entendîmes le bruit des outils creusant le sol dans la nuit du mardi au mercredi. »